H90. Activité 2. Piste 79. Écoutons Jérôme. À l'école, je nage le lundi. Je chante le mardi. Je dessine le jeudi. Et j'écoute de la musique le vendredi.